Alors, bonjour à tous. Je suis Florian et voici mon collègue et ami Yacoub. Salut. Et on va vous parler aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation du livre qu'on est en train de rédiger et de mettre en place et d'enregistrer, qui est un livre dont vous êtes le héros audio. Alors, pour vous dire un peu d'où je viens, moi j'ai déjà été invité deux fois au Saloon Paper Melody avec mon projet d'édition qui s'appelle Édition Béton Roman, qui est une maison d'édition fictive qui a beaucoup de matière pour quelque chose de fictif. Alors là, j'ai mis le site internet qu'on a créé avec une identité graphique un peu forte. Et il y a plusieurs... tous les auteurs sont fictifs. Tous les livres sont des titres de livres qui n'existent pas, en dehors du fait que j'ai écrit certains passages et qu'on les a enregistrés comme des pièces audio. Donc, par exemple, là, si on navigue sur le site, je clique sur un livre, je me retrouve voilà, sur l'image de ce livre. Je peux changer de page d'image. Il y a vraiment un peu de tous les genres. Centrale atomique, le château faible, la terreur de ma chatte, d'un nouveau genre. Et du coup, toutes les entités d'auteurs sont en fait des alias que j'ai pris pour composer des textes et des pièces audio. Là, je vais vous passer par exemple une pièce audio qu'on a enregistrée pour vous montrer un peu genre ce que ça peut donner. L'âme humaine commande aux hommes d'attacher les coupables avec des cordes qui travaillent pour t'échouer. Bon, voilà, c'était un court extrait de ce livre, mais c'est pour montrer que c'était un peu un travail d'immersion et de narration sorti de nulle part, et que j'ai voulu un peu pousser cette idée. Et une fois qu'on avait le site internet Béton Roman, ça m'a donné très envie de collaborer avec d'autres personnes que moi-même et de donner la main à d'autres écritures, et peut-être aussi de créer des choses plus grandes que des faux livres, et peut-être pourquoi pas des vrais livres audio. Donc on est parti sur l'idée de faire un livre dont vous êtes le héros. Et dans tout ce travail de création de fichiers audio, de pièces audio, d'enregistrement, Yacoub m'a toujours accompagné. C'est lui qui avait le matériel au début. C'est lui qui a tout enregistré, qui a presque mixé et monté les pièces. Donc on a toujours travaillé ensemble sur ce projet-là. Et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de lui un peu donner la main pour que lui ait le lead sur un nouveau projet. Voici donc ce nouveau projet qui s'appelle Le mariage de Mejila. Alors je prends le relais. Donc déjà un peu la composition de la présentation qu'on va vous faire. D'abord aux origines du projet. On a eu beaucoup d'influences qu'on a voulu exprimer dans ce projet. Ensuite on vous présentera un peu l'espace-temps, l'environnement dans lequel se déroule ce livre qu'on est en train d'écrire depuis 2 ans déjà. Je pense 2 ans. Oui. Ensuite, on verra les aspects techniques, puisqu'il s'agit d'un livre audio, donc avec des spécificités qu'on va vous montrer. Ça vous permettra de voir ce qu'on envisage pour vraiment la réalisation concrète. Et enfin, le casting. Donc on a 18 petits rôles, petits ou grands, à vous proposer. Ils sont affichés, on va vous montrer où. Et une fois que vous aurez fait votre choix, on ira en studio là-bas, où vous pourrez vous approprier le texte et l'enregistrer. Alors d'où est partie l'idée du livre audio ? Il y a une collection moi, que je lis depuis que je suis tout petit qui s'appelle Loup solitaire. C'était un livre qui est sorti en 1986 pour sa première édition par Joe Dever. Donc le genre du livre dont vous êtes le héros était assez populaire dans les années 80 et 90, avec des collections comme Loup solitaire, Défi fantastique, Quête du Graal, que moi j'ai beaucoup beaucoup lu quand j'étais adolescent. Il y avait un aspect interactif qui était vraiment ludique à l'époque, et donc on joue ce livre plus qu'on ne le lit, hein, avec un crayon de papier, une gomme, une paire de dés aussi. Ça dépend de la collection en fait qu'on lit. C'est nous qui prenons toutes les décisions, ce qui peut nous mener à la victoire ou à l'échec, voire à la mort. Vous avez peut-être vu l'épisode de Black Mirror. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais ils ont fait récemment un épisode où on peut choisir vraiment de A à Z de tout ce qui se passe. En fait, c'est vraiment le même principe pour les livres dont vous êtes le héros. À l'époque, dans les années 80 et 90, c'était plutôt un lectorat assez masculin, geek. Et là, on assiste depuis quelques années à un retour de hype, je dirais, de ce genre, ce qui permet de faire des rééditions et surtout des innovations. On était sur du print exclusivement et aujourd'hui, on a des nouvelles collections. Je pense notamment aux éditions Alkonost. Je vais vous montrer. Voilà, donc un jeu de rôle solo. Ils sont assez productifs et ils ont un catalogue qui est assez varié. Attendez, hop. Et je vais vous citer le président de ces éditions qui dit une vague de rétro gaming avec un côté retour aux sources, mais également un côté littéraire et plus mature assumé. Les collectionneurs et nostalgiques nous suivent depuis le début. C'est sûrement la part la plus importante de notre public, mais nous avons des lecteurs de tous les âges. La plupart d'entre eux connaissent déjà la célèbre collection de Gallimard Jeunesse. Les ados ont souvent hérité la collection de leurs parents. Notre lectorat est assez féminin et nous nous en réjouissons, car les anciens éditeurs ciblaient les garçons avec des stéréotypes du genre « un garçon aime moins lire, les filles ne s'intéressent pas aux aventures fantastiques », etc. Un peu comme les Nintendo à l'époque, qui ciblaient surtout les garçons. Game Boy. Game Boy. Donc là, je vous ai montré déjà la première édition de 1986 du Tyran du désert. On a eu trois autres éditions, donc une en 96, qui est celle que j'ai lue, une en 2006, où ils ont gardé à peu près la même couverture, mais ils ont juste changé le cadre autour, et une dernière réédition en 2012, où là, ils ont complètement changé l'ADA. Dans tout livre dont vous êtes le héros qui se respecte, vous avez au début une feuille d'aventure. Le contenu est assez similaire, mais il y a des choses qui reviennent tout le temps. On doit calculer son taux d'habilité, son taux d'endurance. On doit choisir une ou deux armes. On doit choisir des objets qu'on met dans notre sac à dos et certaines disciplines kai, comme la guérison, la chasse, l'exploration, etc. C'est une feuille qu'on tient à jour pendant toute la lecture du livre et qui permet de répertorier tous les changements d'état, les objets qu'on perd, les objets qu'on retrouve, etc. Une table du hasard aussi qui se trouve à la fin de chaque livre dont vous êtes le héros, parfois qui peut être remplacée par des dés. Et il y a quand même dans les livres dont vous êtes le héros une grosse part qui est laissée au hasard. Par exemple, on nous demande de tirer à l'arc ou de lancer un poignard. Si on fait entre 0 et 5, on atteint notre cible. Si on fait entre 6 et 9, on rate notre cible. Donc, le hasard occupe quand même une place assez importante. Comme nous, on voulait un peu moderniser en apportant ce côté audio et faire un livre audio dont vous êtes le héros, on s'est dit que c'était déjà une très grosse couche de problèmes et de choses à gérer. Alors, j'ai demandé à Yacoub si ce ne serait pas mieux, dans un premier temps, de simplifier et de retirer ces feuilles d'aventure et tables du hasard, qui étaient un peu, pour moi, je me souviens à l'époque, quand j'essayais de lire des livres dont vous êtes le héros, un peu repoussant, comme dans Donjons et Dragons, quand il faut avoir sa fiche personnage, le maître du jeu doit connaître énormément de choses. J'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu, les néophytes ne peuvent pas accéder à ça. Donc, avec le livre audio, je voulais ramener un truc un peu plus ouvert, immersif, direct. Donc, les choix seraient placés ailleurs. Mais pour l'instant, on supprime quelques complexité du style avoir un crayon, des dés, des machins, trucs, des outils. Alors là, pour vous montrer un peu l'esthétique, comment ça se présente, ce sont des paragraphes qui se suivent, mais si vous les lisez dans l'ordre, ça n'a aucun sens. Je vous montrerai un peu plus tard dans la partie technique comment ça fonctionne. Mais je voulais vous lire un paragraphe un peu typique de ce genre de livre. C'est le paragraphe 6. Cette huile est tirée du fruit de l'arnumier. Elle apaise la douleur lorsqu'on se masse avec elle. Si vous désirez vous frictionner la peau avec l'huile de l'arnuma, rendez-vous au 103. Si vous ne voulez pas utiliser cette huile, rendez-vous au 71. Voilà, donc on est, l'histoire se dessine vraiment en fonction des choix qu'on fait. Et ce genre même de style narratif et de syntaxe, avec des potions, des produits à utiliser, je les ai beaucoup réutilisés avec Florian dans notre livre actuel. Et c'est vraiment une écriture propre à ce type de livre qu'on ne retrouve pas dans les autres livres, même fantastiques ou d'aventure. Alors, comment est né le projet ? Du coup, le titre qu'on a donné à ce livre, Le mariage de Merilla, ça a été un peu le point de départ pour poser tout le monde. J'ai laissé un peu la liberté à Yacoub de choisir le thème et l'ambiance et l'environnement de ce livre, parce que je voulais qu'il y ait une première énergie qui vienne de lui. Mais il m'a proposé tout de suite de faire une coécriture d'une réflexion commune, dynamique, et ce qui nous a permis très vite de se rendre compte que ça évitait plein de choses dans la rédaction, la direction. On avait beaucoup plus de recul sur les choses. Il y avait beaucoup moins de doutes par rapport à est-ce qu'on part trop loin dans notre fantaisie ou pas, même si notre fantaisie à deux est un peu barrée aussi. Et du coup, on a décidé de s'orienter sur nos passions communes, des références à nos vies, des passions comme Sailor Moon, Zelda, les téléfilms fantastiques, Fantagaro et la caverne de la Rose d'Or, l'eurodance, la musique techno et autre chose. Pour le titre, pour le registre et l'univers, Yacoub a proposé un univers modernisant et décalé, sans doute inspiré par la découverte du métier de Negafa, qui est coach pour mariés. Et du coup, on a été pris de fascination pour l'atmosphère un peu stressante et grandiose de la planification de mariage, parce qu'il y a énormément d'invités prestigieux, extravagants, beaucoup d'inconnus, des décors somptueux, parfois des couacs, du personnel de service étrange et des enjeux un peu façon Dallas, feu de l'amour. Du coup, c'était un peu notre démarreur on a ensuite fait évoluer les choses, mais c'est vrai que ça nous a fait germer plein d'idées de placer ça dans un espèce de mariage somptueux dans un palais oriental. À partir de ça, on a décidé deux choses un peu radicales pour placer le livre et pour peut-être le moderniser, en tout cas la première, oui. C'est que l'action se passerait dans un matriarcat. Alors là, Yacoub... Ouais, ça, pour moi, ça, c'est une idée qui s'est imposée dès le début. J'ai beaucoup lu la saga du secret de J, écrite par Fia Grimbert, où l'histoire commence dans le matriarcat de Cole, d'où viennent les trois personnages principaux de la saga, Letty, Corren et Yann. Ils expliquent que c'est un conseil, en fait, d'un matriarcat qui prend toutes les décisions importantes, et ça a vraiment des répercussions sur toute l'histoire. Et moi, ça m'a arrangé en fait que l'histoire se passe dans un matriarcat parce que les rapports de force des sexes sont complètement neutralisés. Et je voulais, et je pense que Florian aussi, inverser la tendance incel très mascu des livres dont vous êtes le héros des années 80, et repartir sur quelque chose d'un peu plus neutre. Ouais, il y avait même un truc un peu où, comme les yaoi dans les mangas, où c'est genre... Il n'y a qu'un univers uniquement masculin, mais c'est des femmes qui écrivent pour des femmes et qui se servent du fait qu'il n'y ait qu'un seul sexe pour faciliter tout ce qu'elles ont envie de dire. Et voilà. Alors, voici une image du matriarcat de Cole. Oui, donc ça, c'est directement tiré du secret de J. On ne voit pas grand-chose, mais le matriarcat est situé ici. Et toute la carte, ce ne sont que des noms fictifs. Sultanat de Jezeba, les bas-royaumes, royaume Walat... partie de Goran, etc. Et on verra après que c'est quelque chose qui nous a aussi qu'on a voulu faire pour notre livre, c'est de recréer tout un monde différent qui n'a aucun ancrage dans notre géographie actuelle. Ah oui. Du coup, après avoir décidé que ça se passerait dans un matriarcat, on s'est dit comment va démarrer l'histoire. Et pour nous, c'était une évidence que l'héroïne commencerait son périple en se réveillant dans une paisible hutte, comme tombée du ciel, avec pour référence principale les jeux Zelda, où le héros se réveille toujours genre, sur son petit lit ou genre, sur une petite stèle en pierre. Il ne sait pas où il est, et, il comprend à moitié des choses. Et puis, il va, il n'a aucun équipement, il n'a aucun repère quasiment, où il vit sa petite vie peinard. Du coup, Merilla, elle aussi, vit sa petite vie peinarde et elle se réveille un beau matin dans sa petite hutte. Et là, je vais vous lire l'incipit, du coup, le premier paragraphe, le paragraphe d'ouverture du livre. Un rayon de lumière perce à travers un rideau de paille. Vous vous réveillez dans votre humble cabane, meublée de trois fois rien, mais fonctionnelle. Vous vous hissez sur votre séant, l'esprit à demi embrumé. Tout semble comme à l'accoutumée à sa place autour de vous. Si ce n'est que sur votre petite table se trouve une lettre manuscrite d'une belle écriture inconnue. Rendez-vous au plus vite au palais de Monastir, signé Zuria. Je ne vous en dis pas plus. Avec ces pistes-là, on a pu commencer directement à faire, on va dire, les procédés classiques des livres dont vous êtes le héros. Et on s'est dit, pour que l'aventure commence, il va falloir un élément extérieur qui pousse l'héroïne à quitter son confort. Là, c'est cette mystérieuse lettre. Et juste après, Yacoub m'a dit, dans les livres dont vous êtes le héros, ça commence fort. Dès le premier paragraphe, tu dois faire un choix radical, une mise en danger. Alors, on a mis tout de suite une mise en danger qui permettait de choisir directement deux routes complètement opposées et commencer à faire des embranchements. Mais dès qu'on a eu ça, le choix de faire des routes de plus en plus opposées, des différents choix, pour vraiment marquer le côté choix du livre, on s'est rendu compte que oui, on allait donner énormément d'épaisseur au livre. Le titre. Du coup, en donnant toute cette épaisseur au livre et en commençant à construire le lore, on a vu que ça prenait de plus en plus de place et que le livre était en train de gonfler et de toutes nos intentions narratives allaient développer énormément de mises en contexte, de personnages secondaires, des personnages tertiaires, et que pour développer toute la beauté du lore qu'on était en train de créer, on avait envie de vraiment prendre notre temps, de s'étaler, et on s'est dit peut-être qu'il faut scinder le livre en deux livres pour pouvoir genre vraiment installer quelque chose et ensuite peut-être venir tout bouleverser. Mais on s'est dit, prenons le temps, un peu comme dans les sagas de livres, Harry Potter, Hunger Games, Divergente, quelque chose comme ça, où on prend le temps de placer les choses, l'univers, pour qu'on se sente bien dedans, pour ensuite amener des bouleversements, quoi. Suite à ça, on s'est dit, le mariage de Merilla ne parlera pas du tout de mariage dans le premier livre, parce qu'on a trop de choses à raconter et qu'on n'a pas envie de parler de ça. Et que du coup, ce serait un livre qui s'appellerait un peu comme La Cantatrice Chauve ou Zazie dans le métro, un livre absurde où il ne se passe jamais ce qui est écrit dans le titre. Mais on s'est dit aussi, en fait, dans le tome 2, ce serait quand même très ennuyeux pour nous, ça ne nous ferait pas très plaisir que l'héroïne assiste à son propre mariage. Ce n'était pas un thème qui nous intéressait finalement beaucoup. On aimait bien le décor, l'environnement. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait le recréer, mais toute cette idée de mariage, c'était un peu passéiste et bête. Du coup, on s'est dit qu'on allait contourner un peu le thème en gardant le titre qu'on aime bien, le mariage de Merilla, mais en le détournant de sa définition première. Du coup, l'entièreté de tout ce livre ne parlera à aucun moment de mariage au sens commun. Voilà, je ne vous en dis pas plus à nouveau. Ensuite, espace et temporalité. Donc, on a dit que, du coup, quand, dans notre découpage du livre, on allait faire le palais qu'on avait élaboré dès le début comme second tome et que tout ce qui se passerait avant serait genre dans la ville fictive d'Akawet. Et je te laisse peut-être décrire cette ville. Alors, espace et temporalité donc du livre. L'histoire se situe dans un monde fictif qui s'appelle le matriarcat de Goyrat, un temps indéterminé, mais la technologie a déjà pénétré. Donc, on n'est pas dans un monde, je dirais, médiéval, où il y a de la technologie, c'est plutôt contemporain. Mais on ne sait pas exactement à quelle période ça se passe. Le pays s'étend entre le désert de Naïra au nord et le rivage Amrit au sud. Donc une description un peu plus détaillée. Donc dans le désert de Naïra, on trouve des populations humaines, non humaines, avec en son sein les vestiges d'un village, le village natoufien, et avec aussi des montagnes, des ruines, des oasis. À l'opposé, au sud, la plage du rivage Amrit, qui est habitée par des personnes un peu marginales, mendiantes, nageuses, fêtardes, exploratrices sous-marines, et qui se poursuit par une magnifique mangrove luxuriante débouchant sur les grottes de Daïkout. Entre ces deux éléments naturels, donc au nord et au sud, l'urbanité, la gigantesque ville d'Akawet, qui est composée en plusieurs quartiers. Donc il y a le Bourg Beigay. C'est un quartier charmant qui est composé de rues commerçantes, d'une zone d'affaires comprenant un gigantesque immeuble administratif qui s'appelle le Seidem. À sa périphérie se trouve le mythique Club Hydra, donc club techno, lieu de perdition où se confondent le jour et la nuit. Également dans cette ville, le ghetto insalubre et dangereux de Dahaked, qui est une véritable cour des miracles, qui abrite entre autres le diabolique temple des Yekids, d'étranges échoppes et trafics en tout genre. En guise d'entrée et de sortie, donc comme pour embrasser la ville, donc la place de Nat Farouk avec sa fontaine et sa multitude d'agentes vous accueillent à l'ouest, tandis que la ville se termine à l'est par une agora nommée Place des Femmes Loufoques, où motardes, saltimbanques et évangélistes se côtoient dans un feu de joie permanent. Donc là, on va vous montrer un peu notre outil de travail qui nous a permis de ne pas abandonner le projet, qui s'appelle Miro, et qui est une application qui, je pense, sert plutôt d'habitude pour les réunions entre gens qui veulent se faire des PowerPoint à n'en plus finir. Et nous, ça nous a aidés, parce que sans ça, si on n'avait pas eu cette énorme possibilité de faire des embranchements, de mettre des flèches dans tous les sens avec des post-it, on n'aurait pas pu tenir mentalement la structure du livre, parce que ça a pris une énorme place. Du coup, là, sur l'écran, vous voyez à droite le palais de Monastir, qui n'est pas du tout fait. Et ensuite, toute la ville d'Akawet et ses environs, au sud, le rivage Amrit, au nord, le désert de Naïra, et tout au centre, les différents quartiers de la ville d'Akawet. Alors, si je zoome un peu, du coup, on a décidé de prendre aussi cette carte des embranchements comme véritable carte géographique, ce qui nous est paru une évidence à force de construction. Alors, voici, là, par exemple, on commence tout à l'ouest, dans le lever du jour, dans la maison de Merila, c'est le petit carré ici, et une rencontre improbable avec un chien enragé. Voilà, c'est un petit danger. Et j'ai mis des couleurs pour un peu symboliser les quartiers. Et maintenant, je vais vous faire écouter quelques compositions d'ambiance sonore qu'on a faites pour chacun des quartiers, parce que c'était assez plaisant aussi, au fur et à mesure, de créer des musiques et pour pouvoir se projeter et s'orienter. Alors, par exemple, la mangrove. Voilà, alors c'est des musiques qui durent genre 5 à 10 minutes, qui continuent très bien. Ensuite, on pourrait mettre par exemple le manoir de Yeticia, qui est un manoir dans la glace, qui se trouve bien évidemment dans le désert. Oups. Et voilà, et peut-être comme troisième exemple, un truc un peu plus dynamique, le bateau des Caroles, qui sont des teufeuses sur la plage. Voilà, elles sont, les Caroles, elles sont phénoménales, c'est les plus grandes teufeuses, c'est un peu les David Guetta et les L5 en même temps de notre univers, quoi. Je retourne à notre document. Hop. Ensuite, oui, une partie sur le lexique. La plupart des noms de lieux, de personnages, des objets, des institutions, des divinités, la monnaie, sont des noms inventés de toutes pièces pour créer une rupture avec la réalité, comme c'est souvent le cas dans les histoires en fait de fantasy, etc. Il y a une tendance à vraiment trouver des nouveaux noms. Donc quelques exemples pour un lieu, le temple des Yekid, une agente qui s'appelle Agente Umirika, dont le rôle est ouvert au casting d'ailleurs, je précise. Le Kylicom, qui est un objet, une tiare électronique de télécom. Besulfak ou Bekumchou, qui sont des fruits. Le Seidem, le gigantesque immeuble administratif. La Suma, service des urgences municipales amicales. Yoganidra, qui est une divinité sous la forme d'un phénix. Et enfin, le Dranik, qui est la monnaie unique qu'on utilise dans notre livre. Donc, dans le but de créer une identité linguistique forte, comme c'est souvent le cas dans le genre de la fantasy. Un des derniers points qu'on voulait aborder, c'était les personnages et du coup les figures humaines et inhumaines qu'on avait un peu développées. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, en créant les personnages, qu'on avait un peu quatre thématiques et quatre genres de psychologiques, on va dire, et de représentations sociales dans notre livre qui émergeaient un peu. Alors d'abord, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'agentes, de personnages qui ont des rôles dans la cité, des secrétaires, des représentantes, des soldates, des membres de clans. Et ça permet aussi, genre, de leur donner, avec leurs fonctions définies au sein du corps social, ça permet de les identifier très vite pour le lecteur, l'auditeur. Et on peut jouer sur les clichés et les ressorts de la fonction de ce personnage, de ce PNJ qu'on rencontre, quoi. Après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup d'agentes et de policières et de gens chargés de la sécurité, on s'est dit, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont consacrées à la débauche, au vice et à l'économie parallèle. Tout ce qui était recel, club, cabaret, gigolotage, consommation de drogue, qui sont un peu aussi des choses qu'on trouve dans une véritable société et qui font partie inhérente, qui sont un peu des vices tolérés, même si, enfin, il faut vivre avec et tout le monde a son petit péché mignon ou sa petite illégalité. Ensuite, on a créé beaucoup de personnages aussi du care, des gens qui étaient entièrement bienveillants, soignants, réconfortants, qui redonnent de l'énergie, qui viennent un peu apaiser toute la dynamique brutale de l'aventure. Du coup, on a voulu faire ces points de sauvegarde, un peu ces safe spaces. Et ça fait du bien de croiser un peu dans toutes ces péripéties des gens qui sont vraiment genre d'une bonté lumineuse. Et dernier type de personnage qu'on a un peu remarqué et que le livre dont vous êtes le héros nous aide à développer, c'est un peu les paradoxes yandere, tsundere, les personnes qui sont des fausses méchantes ou des fausses gentilles. Du coup, dans le manga, oui, on retrouve souvent les personnages un caractère de yandere qui va avoir un masque social éclatant de bonté, mais qui cache une véritable psychopathe. Ou à l'opposé, des tsundere qui sont des personnages froids, sévères, qui ont l'air inamicaux, mais qui cachent un cœur en or sous leur carapace. Donc là, on a mis par exemple un exemple de yandere, Munya, la maniaque des cheveux, qui est sympathique au premier abord, mais qui va se révéler ambivalente, voire bien pire. De l'autre côté, on a en tsundere typique les femmes taupes qui apparaissent dans le désert et effraient un peu la personne, mais ensuite qui effraient Merila, mais elles s'avèrent qu'elles sont entièrement adorables et bienveillantes. Ce que nous a permis le livre dont vous êtes le héros, c'est que en fonction des choix qu'on fait ou des lieux où on est, des personnes qui sont gentilles ou bienveillantes dans certains chapitres ou certains embranchements, les mêmes personnes peuvent se retrouver complètement diaboliques dans d'autres embranchements. Ça nous a plu de pouvoir un peu pousser ça et genre de faire des caractères complètement différents en fonction des choix. Alors, pour finir sur la présentation du livre, on a les thèmes principaux. Donc, il y a l'horrifique. Ensuite, il y a le merveilleux, fantastique, fantasy. Et enfin, parodique, humoristique et absurde. L'horrifique, c'est un classique dans le genre, dans le livre dont vous êtes le héros. Il est aussi très présent dans notre livre. On va vous donner l'exemple. Ouais, on ne les voit pas très bien, mais ce n'est pas grave. Les Yekid qu'on a créés sont les adoratrices de la déesse Umskur, adepte des transfusions et des sacrifices, elle distille dans le schéma narratif un sentiment d'horreur. Un des principaux chapitres du roman se passe dans le temple des Yekid, justement, avec une structure inspirée des temples, donjons, des jeux vidéo, vestibules, petites salles à épreuves et enfin salle finale avec un boss. Et d'ailleurs, on a plusieurs lieux importants dans notre livre qui ont cette même structure-là. Voilà. Le merveilleux et le fantastique, donc le registre merveilleux. Dans le côté horrifique aussi, c'est très présent dans le livre dont vous êtes le héros. Il faut toujours énormément varier les manières de mourir, de faire terminer l'aventure au personnage principal. Et du coup, genre, j'avoue que c'est un plaisir un peu. Alors, il faut le savoir que dans les livres dont vous êtes le héros, et nous, on l'a fait, il y a un côté un peu gore parce que il y a ce côté mort improbable ou créativité dans la mort. Ah non, elle est déjà morte avec un couteau. Il faudrait peut-être trouver autre chose, une enclume ou je ne sais pas. Voilà. Ouais. Donc sur le merveilleux et le fantastique, donc le registre merveilleux, donc c'est un monde où le surnaturel est admis comme tel par les personnages et répond de la féerie et de la magie. On donne dans ce livre vie et parole à des créatures, des nageuses, sirènes, des animaux qui parlent, des créatures fantastiques. On crée aussi des portails et des passerelles interdimensionnelles qui permettent de passer d'un endroit à l'autre du livre. Et c'est intéressant parce que ça permet en fait à l'héroïne d'accéder à d'autres endroits où elle n'aurait jamais pu aller si elle avait suivi le chemin initial. Donc la magie est normalisée et en tout cas elle n'est pas surprenante dans le cadre de notre livre. Et enfin, l'aspect parodique absurde dans notre livre dont vous êtes le héros. Le livre dont vous êtes le héros originel est dans un registre très sérieux qui ne laisse pas ou peu de place à l'humour. Donc on a voulu donner une coloration parodique et humoristique, parfois même absurde, à notre livre. On s'est inspiré librement de personnages publics et de faits divers pour les parodier. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran. On s'est inspiré de l'eurodéputée grecque et directrice de commission, donc très haut placée, Eva Kaili, inculpée dans une affaire de corruption. 400 000 euros en liquide ont été retrouvés chez elle. Pour créer le personnage de Kaili, donc c'est la big boss présidente du CIDEM dans notre livre. Voilà, donc là, on a même carrément repris son nom de famille pour en faire un prénom. Et donc, création de scènes comiques, par exemple, quand on est confronté à cette fameuse Kaili, la big boss, au 21e étage de la tour administrative, on doit préparer une moussaka pour elle. C'est une épreuve très importante où elle risque sa vie si elle se trompe d'ingrédients. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on on aime bien varier un peu les différents registres et pas rester dans l'horreur ou le fantastique. Il y a un côté un peu aussi réaliste, moussaka, oui. Familial. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer aux aspects techniques du livre, puisque c'est un livre audio interactif. J'ai essayé d'être assez rapide. Donc, produire un livre audio dont vous êtes le héros, comment ça se passe techniquement? On a réfléchi aux aspects techniques, déjà pour évaluer la faisabilité du projet. Est-ce que ça peut se faire vraiment ou pas? Donc oui, je vous le dis, ça peut se faire. Donc il est possible de produire un livre audio dont vous êtes le héros avec une structure interactive via des liens hypertextes, à condition de choisir une plateforme ou un format qui supporte l'interactivité audio. Donc ici, le site Béton Roman. Voilà, donc en fait, nous, comme on avait déjà le site de Béton Roman qu'on vous a montré tout à l'heure, le cadre est déjà présent, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça. Les 5 étapes concrètes, écrire et structurer l'histoire avec les renvois interactifs, donc ce qu'on vous a montré tout à l'heure, l'arbre à choix avec toutes les différentes décisions, etc. Enregistrer chaque paragraphe en fichier audio séparé, on en est là. Créer une interface interactive, web, app ou audio chapitré, donc Béton Roman. Héberger les fichiers et la structure en ligne, donc c'est ce qu'on va faire sur ton site. Et enfin, publier et tester l'expérience sur différents supports. Voilà, donc on en est à l'étape de l'enregistrement des différents fichiers. Donc pour la structure narrative et l'indexation des paragraphes, rédiger le livre comme un arbre à choix. Chaque paragraphe ou section numérotée correspond à un nœud de l'arbre. Et chaque nœud contient lui-même une ou plusieurs décisions qui renvoient à d'autres nœuds. Ça, c'est l'arbre qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, il faut ensuite indexer chaque paragraphe avec un identifiant, paragraphe P52, P24, P28, pour bien les identifier. Alors, l'enregistrement audio des paragraphes. Donc, on enregistre chaque paragraphe nous-mêmes et allons également faire appel à notre entourage, voire des inconnus, vous ici. L'aspect collaboratif est très précieux et important pour nous. Donc, nous composons les musiques ainsi que les paysages sonores et bruitages sur Ableton Live en home studio. Donc ce qu'on vous a fait écouter tout à l'heure, par exemple. Et chaque paragraphe est enregistré sous le format MP3 dans un fichier audio distinct. Et enfin, on normalise le fichier sonore pour assurer une qualité audio constante. Voilà, donc ça, on a vu. Oui, tu avais aussi des méthodes alternatives, mais comme. On les si a pas choisies. Si vous avez besoin d'autres renseignements, faudra venir voir Yacoub ou sa collègue. Oui, il y a d'autres alternatives qui fonctionnent, mais vraiment celle qui était la plus facile pour nous, c'était l'hébergement sur le site. Voilà, donc on les héberge sur un serveur web, CMS ou HTML. Et enfin, les tests, vérification des chemins de navigation, des transitions audio, du bon enchaînement logique, et sur différents appareils, smartphone, ordinateur, tablette. Je pense que là, le smartphone, ça serait idéal, parce que c'est le truc qu'on peut lire sur son canapé comme ça, mais l'ordinateur est aussi envisageable. Et je pense que la tablette et les smartphones, c'est les deux meilleurs médiums pour tester ce livre audio. Ouais, moi, j'avais même l'idée, dès le début, de si on faisait un livre audio, que même en voiture, ce serait possible de le faire à plusieurs, quoi. De se retrouver en trajet de voiture et de... On écoute quoi ? On n'écoute pas Nostalgie, on écoute Le mariage de Mérilla et on va résoudre ça en famille. Tout à fait. Ou en amis. Voilà, donc maintenant, place au casting à vous. 18 fiches personnages, donc 18 rôles vous attendent. Venez choisir quel rôle vous ira le mieux. La taille du texte varie. Il y a des scènes très courtes et il y a de vraies tirades fleuves aussi. On vous donnera quelques indications scéniques et nous vous attendons avec grand plaisir dans le studio là-bas. Mais donc, pour l'instant, oui, tous les rôles sont affichés à côté de la friperie. Ouais. Comme ça, si vous êtes debout, vous regardez des pantalons, des rôles, des chemises, des rôles, oui. Des personnages. Voilà. Des et slips. Ensuite, si vous avez choisi, vous venez nous voir et on vous donne les paroles pour que vous puissiez un peu vous exercer et nous retrouver au studio. Voilà, on restera présents tous les deux en référent. En toute bienveillance, pas de gêne, pas de stress. Voilà merci à beaucoup. Vous. Et pour finir, la musique préférée de Yacoub, c'est celui-ci, Bureau de Kylie. Ah oui, vas-y. Celle-là est très très jolie, on peut la laisser. Très Björkal.